Vous écoutez Mona FM, c'est pour entendre les plus belles chansons populaires. Mona FM. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. La chanson populaire. Les plus belles chansons populaires. J'ai le cœur grenadier. Mona FM. La chanson populaire. Un signe, une larme, un mot.

instant, la chanson populaire revient. Mona FM.